Elle venait d'avoir 14 ans. C'est fou ce qu'elle était fière. En guise de cadeau, des implants et un tube de rouge à lèvres. Elle mit son string en peau de serpent, car ce soir c'était la fière. Sortir en boîte avec maman, ouais c'est fou ce qu'elle était fière. Enfin arrivée sur les lieux, on lui paye un whisky coca. Seulement le gentil monsieur, il glissa de cachet d'exta. Toute transpirante en pleine montée, son t-shirt blanc était trempé. À travers on distinguait ses tétons pointés, et le monsieur ne cessait de la regarder. Moi, je les comprends, les violeurs d'enfants. Ouais, moi, je les comprends, les violeurs d'enfants. Ouais, moi, je les comprends, les violeurs d'enfants. Elle venait d'avoir 14 ans. Moi, je les comprends, les violeurs d'enfants. Ouais, moi, je les comprends, les violeurs d'enfants. Ouais, moi, je les comprends, les violeurs d'enfants. Elle venait d'avoir 14 ans. Petite Anus. Elle venait d'avoir 8 ans. Était d'origine thaïlandaise. Abandonnée par ses parents, elle tapinait pour gagner du pèse. Moi, je les comprends, les violeurs d'enfants. Ouais, moi, je les comprends, les violeurs d'enfants. Ouais, moi, je les comprends, les violeurs d'enfants. Elle venait d'avoir 8 ans. Petite Anus. Moi, je les comprends, les violeurs d'enfants. Ouais, moi, je les comprends, les violeurs d'enfants. Ouais, moi, je les comprends, les violeurs d'enfants. Elle venait d'avoir 8 ans. Petite Anus. Petit anus.